pour féliciter le maréchal Kim Jong-un pour sa promotion au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, le président du Parti socialiste roumain, le secrétaire général du Parti communiste de la Nouvelle-Yougoslavie, le président du Parti national progressiste uni égyptien, le président du Comité national éthiopien d'études du Kim-sunisme-Kim Jong-ilisme, le président du comité Suisse-Corée et le président national de l'Association d'amitié et de la culture Australie-République populaire démocratique de Corée lui ont fait parvenir les messages et lettres de félicitations. Les destinataires ont écrit que sa promotion à la magistrature suprême est un grand événement de la Corée du Sud et de l'histoire de l'humanité et que sous sa direction, la Corée déjouera la politique d'hostilité et les menées de sanctions des États-Unis et accomplira fructueusement la stratégie quinquennale du développement de l'économie nationale et défendra plus fermement la paix dans la péninsule coréenne.